Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Désolé. De Dakar. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et merci, merci pour la Kozalavana. Et Tokosenga, moi, exercice moqué. Je pense que ce qui m'a ali, beaucoup qui ont tagué bah bande comme Soussou, se joindre na biso et poto meka koso la mamuke na lombango nyonso. Et ce qui bande ko au que c'est important balanda biso, beaucoup qui ont tagué bango et pour balanda biso. Et je préfère aussi ce qui bosaï na ba milouvor. Bo tagué bango. J'aimerais mieux ba milvor bayak et belé pour que ba meka to meka ko conscientiser bango. Il y a moke bazo conscience o elala ki et koma ko la moka moke. Alors toko senga ce qui boye ba milvor o bazali ba camarade na bino sur Facebook ou bien sur YouTube. Sur YouTube bazalate je pense. Hein. Et bo tagué bango pour que tout soit là. Nonobstant qu'on finisse à la bango, parce que tu aussi, tu es déjà à la finisse, tu es à la source problème pour Nabisso. Alors, vous remarquerez que ça fait 2 ans d'affilée, en ce qui concerne Félix, ça fait 2 ans. Bazo finga, mais tu es comme un source plus fort que jamais. Alors, mais bazali bande konabiso ba congolais ezali très important bazala pour que bayoka makambu to zoloba. Donc c'est pas un problème même si vous invitez un milouvor aye kokota parce que bango kokota zokota abandi ko finga. Donc ayoki na unte vous parlez de quoi abandi ko finga. Abandi ko finga. Alors to mesani bo benga bango bo tagué bango bakota. Tozali na moi rapidité pour aller l'eau ma camarade de Belé batouni pourquoi moi vide oyo il y a une semaine je pense oui toujours répéter toujours la même histoire la même chose hein. Tolobaki na période ya bakour to banda koza la fréquenter chaque jour to banda koza la fréquenter et cette semaine ici en réalité même si Bakour partout est allé en ligne, Bakour à l'université est allé en ligne, mais tu es allé plus occupé, même si tu es allé en ligne, busy. Et semaine Oyo, na bande ko bazali na ngambo ya Amérique, est allé à l'université Moussousso, par exemple, place Totangisaka, est allé à mi-session. Et donc, avec la nouvelle technologie, à Kotangisa en ligne, étudiants basant avec examen en ligne, alors tozali expert na technologie wanate, il faut kotanga ba outil pour que ela kisayo que cet étudiant est en train de tricher. Et naye komona que c'est très performant. Voilà, donc étudiant basant na ndaku na yemoko, liboso ordinateur na ye, le programme est là, examen ezali. Biso tozali liboso ya computer na biso, tozo surveiller étudiant nyonso. Donc, screen ya monene, moi eto laxezate, parce que ezabe étudiant ba kombo na bango ezali na se, moi eto laxa yango ezate. Mais ozomona, chaque mouvement, alors la machine détecte mouvement moko suspect d'un étudiant. C'est vraiment performant. Alors, moindre mouvement, ça détecte que l'étudiant est en train de lire. Étudiant à Fungoli livre, étudiant à Zotala quelque part, ou bien il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un parmi les étudiants, Oyo, Azo souffleyé, Oyo, Azo lakisaye. Donc, c'est vraiment félicitations, là-bas, ingénieur, il y a IT. Et voilà. Et c'est pour cela, tout le bito, il y a Mwambangu avant tout. Tokende, qu'on a pu examiner à l'élo et Zali, ça sera dans 3 heures, il faut se préparer. Alors, Toye, juste pour l'actualité, il y a Mbokanabiso, il y a Mikolo, comme Bomoni Natitré, Tokomi, Minembwe, Ruberwa, Félix et les autres. Avant Tokota na Minembwe, Ruberwa ou Félix, je voudrais commencer d'abord par autres. On a tenu un titre autre, et ça allait juste point moko concernant une petite réponse hein, à monsieur, il s'appelle comment? Voilà, à monsieur Mbata. Il semblerait qu'il est professeur à l'université de Kinshasa. Il semblerait que qu'il enseigne aussi en Afrique du Sud. Et on n'a pas de preuves que l'Afrique du Sud, à Tanguisaka, il enseigne. Je pense que ça peut être vrai, parce qu'il y a une forte communauté congolaise en Afrique du Sud. Mais ce que nous connaissons, il est professeur à l'université de Kinshasa. Nakokota naba détail ya mingité. Nakokota naba détail ya mingité parce que ma frère Moussoussou, les compatriotes, va répondre. Par exemple, notre ami qui est au Canada, M. Patrick Mbeko, a répondu à M. Mbata. Et sur ce que M. Patrick Mbeko a répondu, moi je voudrais aussi ajouter un petit point. En ce qui concerne l'identité Banyamulenge ou la nationalité Banyamulenge. Et par la suite, je vais répondre en ce qui concerne la Cour internationale de justice, ou CPI, je pense, c'est comme ça on appelle ça en français, je pense. Le petit point concernant la nationalité Banyamulenge, c'est juste dire à M. Mbata de savoir s'il est réellement professeur d'université. Il doit savoir que dans ce monde, il y a deux catégories de pays. Il y a les pays autochtones, il y a aussi des pays d'occupation. Quand vous voyez le Canada, par exemple, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que ces pays, sont des pays d'occupation. Alors, quand ces pays discutent sur la diversité dans leurs territoires nationaux, nous pouvons discuter une identité ou une nationalité d'un migrant, d'un réfugié. Parce que tout le monde, hormis les autochtones, entre guillemets, en ce qui concerne l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou bien les États-Unis, le Canada, mais ce sont ces pays-là qui se sont construits sur base d'occupation. Mais par contre, le Congo est un pays autochtone. Le Congo n'est pas un pays d'occupation. Alors, on ne refuse pas la diversité dans notre pays. Mais le problème est que la diversité s'est construite dans la légalité. J'ai vite compris pourquoi l'université de Kinshasa, en particulier, les universités du Congo, en général, ne sont pas classées dans la liste des considérations des universités au monde. Je pense que c'est à partir de bêtises de certains professeurs comme M. Mbata. Merci beaucoup à Patrick Mbeko de l'avoir répondu. Et nous n'avons pas assez de temps pour rajouter encore d'autres choses. C'est suffisant ce que Patrick Mbeko a dit. Alors, en ce qui concerne, il semblerait qu'il est professeur de droit. Je ne sais pas quel droit. En ce qui concerne la CPI, il a juste raconté une bêtise. Je ne sais pas si c'est de cette façon qu'il enseigne ses étudiants, pour dire que la décision de transférer un groupe, un individu ou un pays ou ces pays ne concernent que les conseils de sécurité. Alors, je renvoie M. Mbata d'aller lire, s'il enseigne en Afrique du Sud, il parle anglais, d'aller lire State of Justice. Vous allez voir la politique de la CPI. Il y a quatre façons de coopérer avec la CPI. Quatre voies, quatre ways. La première, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'utilisation de self-referral. En français, self-referral, ça signifie le pays réfère les dossiers à la CPI. Ce n'est pas les conseils de sécurité, c'est le pays. Soit le pays, soit les citoyens de ce pays, soit un groupe des ONG, par exemple, qui réfère quelques cas à la CPI. La deuxième, c'est la complémentarité entre les nationales et la justice internationale. La CPI peut avoir quelques dossiers sur une situation dans un pays, des crimes contre l'humanité, d'agression, parce que l'agression a été ajoutée récemment. Et la CPI peut contacter les pays où ces abus se sont perpétrés pour, n'est-ce pas, référer les coupables à la justice internationale. Et là, la troisième voie, c'est-à-dire c'est pas une méthode de référer des gens, c'est juste la difficulté, les limites de la CPI de se saisir des dossiers. Avant que la CPI se saisisse des dossiers, il faut une stratégie de coopération avec les pays. N'a qu'à échéant Oyo avec les Congos, par exemple. C'est dans cette difficulté de la CPI que les Congos se trouvent aujourd'hui. Ces limites, parce qu'à la tête du Congo, nous avons un soi-disant président qui protège les criminels, parce que les Congos ne peuvent pas référer quelques dossiers à la CPI sans l'aval des autorités congolaises. J'ai lu quelques documents qui stipulent Madame Fatou a contacté les Congos pour aider la CPI à se saisir du dossier des Kabila et autres. Le dossier est dans le bureau de Félix. Félix refuse. Comme toujours, il protège ses maîtres, son dieu, dit de Kingakati. Et la quatrième voie, juste, c'est l'utilisation de la Cour internationale pour des intérêts politique. L'arrestation de Jean-Pierre Bemba, par exemple, a été utilisée pour le cas du Congo politiquement pour neutraliser Jean-Pierre Bemba. Alors, beaucoup remarqué que les Africains sont signataires. Il y a création, il y a ces pays. La plupart sont des Africains. Et ce sont les Africains aussi qui utilisent ces pays stratégiquement pour leurs fins politiques et non pour la justice pour laquelle ils se sont engagés avec cette justice internationale. Alors, monsieur Mbata, quand vous enseignez vos étudiants, faites attention d'aller jusqu'au bout. Parce que quand vous pointez seulement les conseils de sécurité, les étudiants restent dans l'ignorance. Les étudiants restent dans l'ignorance de ne pas savoir qu'en réalité, un pays peut soumettre des cas à la CPI pour traitement. Voilà donc notre petite réponse à M. Mbata en ce qui concerne la CPI. Ce n'est pas les conseils de sécurité qui réfèrent des dossiers à la CPI. C'est la CPI elle-même, c'est le pays, c'est les citoyens ou des groupes des ONG, par exemple. Ce n'est pas les conseils de sécurité. Les conseils de sécurité, parce que vous êtes légaliste, il semble-t-il. Vous êtes légaliste. Les conseils de sécurité est utilisé pour la propagande, pour l'expansion des signataires parmi les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Du point de vue légal, nous savons qu'il y a des soubassements, mais du point de vue légal, il semble que vous êtes légaliste. Je ne suis pas juriste, je suis acteur scientifique des droits de l'homme. Voilà. Merci. Je pense que Mbata Azalina Matoya Royoka, Azalina Palobaganini Bakatolika. Oh, Azalina Matoya Royoka, Yoka, Azalina Motema Kondima, Anima. Voilà. Et Tokota Sikoyona, ce qui concerne Minembwe. Makambo mingi sur Minembwe et Zali. Souvent, on se pose des questions. Il faut to lobelayango chaque fois ou bien to loba une seule fois. Est-ce que ce to lobi une seule fois, ça sera exécuté, ça sera suivi ou bien t'es. Tolandi, interpellation, il y a monsieur Azarias Rouberoua, ministre de la décentralisation, dans le Parlement. Ce n'est pas fini, à 5h48 à Zonga, pour après sa réponse, dans ma question. Mais dans cette histoire, je pense que Oyonion Soazali n'a capacité de comprendre, il a compris de quoi il s'agit. Et si vous suivez juste la dernière intervention, je pense, de Madame Eve Bazaïba, ça résume le tout. Nous savons que Ozali na Parlement Moko et Ozali corrompu, c'est un Parlement décorrompu, un Parlement de flatteurs, un Parlement de djalolistes, un Parlement des applaudisseurs, un Parlement de parvenus. Il y a des exceptions. Des gens qui se sont qui ont corrompu pour se retrouver dans la liste, il y a bah, élu, il y a Parlement. Je croyais que dans ce Parlement, il y avait, même s'il y a des corrompus, mais il y a des Congolais. Parce que pour Nanzala, et Kokiko Tinda peut-être, Moutoua Koma Bisenga Senga, pour Nanzala, Moutoua Koiko Koma applaudisseur, pour Nanzala, Moutoua Koiko Koma n'importe quel objet bah, Koiko utilisé. Mais quand il s'agit d'un intérêt national, je pense que Moutou Nyonso, même Ozali corrompu, il faut l'amka. Je croyais que tout le monde, ou à quoi les canatribiles n'abangoana, va condamner Rouberoua. Rouberoua, ce que Talitez n'a yé nionso, s'est tourné autour y a coïncidence. La défense de Rouberoua est ali coïncidence. Et l'okon oyo e yebana kite ki ko salema par hasard yo ke ipone loko mususu et loko na ye coïncider ke e yakobima e yako salema ce n'était pas prévu. C'est ça la thèse. Ya défense, ya ba réponse ya Rouberoua. Na interpellation. Mais je remarque que je ne comprends pas ce qui peut être coïncidence. Batoyi depes babungi. Ba milouvor babungi. Le défenseur ya munya murenge babungi. Toujours mon abangote. Na ebite est-ce que internet ezo salate na kabeyaka mwanga? Na Rwanda, internet et Katani, ou bien Isali, parce que on ne le voit pas, Babungi. En commençant d'abord par votre président, c'est lui qui a défendu Banyamulenge, Bazali, Bakongolais. Ce qui va comprendre la réponse Nangai à M. Mbata. Que le Congo n'est pas un pays d'occupation. Le Congo est un pays autochtone. Même si ezali pays d'occupation, tozoba na ba pays d'occupation ou un petit exemple. Un migrant au Congo kendete ba pesi yo résidence permanente. Olobi résidence permanente kokingaite na lingi mboka oyo mingi na lingi na me joindre na bino bakolo mboka mais avec la résidence permanente ça ne me permet pas ya makambo mususu na sala yango na lingi na koma moko na bino vous demandez ba étudier dossier et ba pays nyo mingi oyo yebani ba pays d'occupation j'ai cité ici les États-Unis le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Côté nyonso yo outi, vous avez votre identité ici ko outi. Bango balobi, bazali, ba pays ya diversité. Les identités dans la diversité. Mais hélas, ce qui va lobby les identités dans la diversité, cette diversité est dissoute par l'assimilation. Jamais, au Canada, jamais au États-Unis, jamais au Australie, jamais au Nouvelle-Zélande, au sein de la nationalité, sans bailler ba soki aux ali na capacité à koloba anglais. Ou bien aux alliés nangote. En ce qui concerne les Canadiens et à côté français, il faut au loba français pour baye bake, moutou ou azali na capacité à comprendre biso, azali moko na biso. Et cette imposition de la langue, en réalité, ce n'est pas pour les comprendre, c'est une partie de l'assimilation. Ah oui, bande ko ba vandi na États-Unis, na Canada, na Nouvelle-Zélande, na Australie. Soki wa s'assimiler te na bango, ezali pas si pour vivre. Moi, je dis, j'enseigne l'immigration. Je ne suis pas contre une quelconque nationalité. Na banya Rwanda. Congo est allé un pays hospitalier. Mais, nationalité na ba norme nyonso. Bon, on peut s'incliner. Aujourd'hui, on dit, bon, voilà, le pays a accordé une nationalité générale. Nabanya Rwanda Nyonso Bayaki. Ezala Oyaki avant 60. Ezala Oye après 60. Cette constitution que vous appelez vous constitution, parce que aujourd'hui, Monsieur Mbata, par exemple, brandit cette constitution. Mais je me rappelle encore. La période où Oyo Kabila a imposé cette constitution, je me rappelle le chef de Mbata, Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il disait à propos de cette constitution? Qu'est-ce que l'UDPS disait de cette constitution? Nous n'avons pas de constitution. Ça, c'est un document taillé sur mesure de Kabila. Ce n'est pas une constitution. Bien que je n'étais pas au pays, mais mes parents n'ont pas voté pour cette constitution. Beaucoup de temps, vous avez un micro congolais dans le fin fond de votre village. Nani attend la constitution wana. Nani a sali conscient qu'il a voté pour la constitution wana. Même constitution wana té, que ce soit la constitution de Mobutu, que ce soit de quelle constitution. La constitution est sali convenance. Il y a peuple, Boyokani. Sur la marche, la forme. Yambo Kanabino. Lelo koyo komona ke marche wana to yokana, yambo kanabiso. La forme qu'on a donnée à notre pays ne marche plus. Lelo lobi bolamki bolobi to longoli yango. La constitution n'est pas divine. Ce n'est pas la Bible. Que c'est Dieu seul. Oh, ou bien, c'est pas Dieu, c'est Jésus, semble-t-il. Lui seul a koyi ko pesa ko guider batu bolongola yango. Mais la constitution d'un pays, ngai na yo to yokani, korom, atteint, to changer yango. Donc, biso ba Congolais to lobby, le Congo n'est pas pays, un pays d'occupation, c'est un pays autochtone. Ezala oya na 1950, ezala oya na 40, ezala oya na 30. Ezala Outa Wapi. Na tango yaki, soki okutaki batu, na esika wana. Vous êtes un citoyen de seconde classe. Si les Américains le font, les Canadiens le font, les Australiens, les Européens, partout. Et pourquoi pas les Congos? Nani, na lobakango chaque fois, nani na diaspora, oyo azwa mukanda, okoma français, okoma anglais, okoma canadien, okoma américain, okoma coréen, okoma japonais. Nani, oyo batunate, oza mutu ya mboka nini. Bamoni déjà l'opposé na yo, oui, nazali canadien, oui, nazali américain, oui, nazali français, oui, na yebi ozali français, canadien, américain, mais originaire de. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie quand on vous demande originaire de? Et pourquoi nous, quand on dit Munyamurenge est originaire de Rwanda, ça devient un péché? Ça devient un péché. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, moi, Yombi, vous me classez? En ce qui concerne la Congolité, vous me classez dans la même catégorie que Rubéroi, Bizi Makara, Kabila. Vous êtes malade ou comment? Alors, Madame Eve Bazaïba a posé la question. Et d'ailleurs, la vidéo de la semaine passée, je l'ai dit. Et quand Madame Eve Bazaïba poser sa question, je me suis dit, ah, cette dame, je pense qu'elle m'a suivi. Parce que ce qu'elle a dit, Bozoa vidéo, il y a semaine, où elle est, donc la dernière vidéo, Bozoa Bolanda, je l'ai dit, que Lelo Oyo, Batwana, Bayaki d'abord, non, Nilotique, Nilotique, oh non, Munyamurenge, Munyamurenge, oh non, tout petit Congolais. Lobby ba senga ki nationalité ba pesi bango yango. Lelo ba zo senga mabele. Et je l'ai dit, Madame Ève l'a dit par une question. Moi, je l'ai dit par une affirmation. Je l'ai dit. Lelo oyo ba komi après nationalité, ba komi na mabele, lobby kuna ba koma na autonomie. Muta ko pek sa bango azate. C'est comme ça, je l'ai dit. Nani ko pek sa bango. Parce que, ba se réunir, ba bi bon, biso to moni ke, to zali respecte te, biso to moni ke, communauté na biso zali boye. Référendum. C'est ça les mots que j'ai utilisés. Ba ko sa la référendum, soit ba sa annexé na Rwanda, soit ba koma autonome. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui va se faire, ce qui les lots Tiki Félix a continué, qui n'a 5 ans. Ce qui bo Tiki Félix a continué, qui n'a 5 ans. Parce que, bah, Bizi Makara, Rouberoua, Bangon, son Nyuragabo, ce qui Nyuragabo, je ne connais pas l'autre ni l'autre là. Ils veulent en profiter de la faiblesse à la tête de notre pays. Bah, accélérer ma cambounionso. Nassina Loba, en gopé la vidéo. La faiblesse à la tête de notre pays. D'abord, le pays est faible. Dans le système international, le Congo, c'est un des pays le plus faible. Alors, assorti. Il y a faiblesse à la tête. Il y a pays. Et tout le monde va prédateur Nyonso. Bazali ko profiter Nango. Madame Bazaï Baladi, Lelo Oyo, Bamounemorenge, Bazo Senga Mabele, Félix a zopé sa barango. Parce que Félix a koyiko se contredit. À moins que Nenga Mbessa te ébille à se contredisant toujours. Dans le monde Oyo, il y a deux présidents qui se contredisent sans honte. Félix et Trump. Et ce sont les deux présidents du monde Oyo à Wangana à lobby après une minute au tourni à Wangani, dans l'obité. Il y a Félix et Trump. Bangomi Balé. Mais Trump est un président faible dans un système fort. Nassim expliqua Yango. C'est difficile que Trump, na ignorance naïe, a secoué Amérique pensa makasi. Ça va bouger, mais ça ne va pas secouer tous les pays parce que le système est fort. Alors, les Congo avec un système faible. Vous placez un président incompétent, faible, voilà ce que ça donne. Tout le monde a profité, tout le monde. Lelo Mounyamourenga a senga mabele. Lobi Mbororo a senga mabele. Lobi Kuna. Wolof a outa soki Sénégal, soki wapi, a senga mabele. Ba Nigérien, nakati a zando, kuna bakoyoko lobato kati zando, et komi komine, urbaine. Bako pekisa bango yango. Bako brandir bino nationalité congolaise. Bako pesa biso yango. Tolingi siko mabele. Vous avez donné à Mounyamourenge. Et pourquoi pas nous? Tout le monde na kati ya parlement wana. Aïebi très bien que Rouberoua ment. Azokosa. Et maintenant, voilà, le gouverneur, semble-t-il, le gouverneur Yassir Kivu, a démenti tout ce que Rouberoua a dit. J'ai lu un document ici, na gouvernorat Yassir Kivu. Tout ce que Rouberoua a dit, Ezali Lukuta. C'est Rouberoua qui a programmé l'installation. Il y a Bourgoumestre à Minembwe. D'autre côté, ils disent, le président dit, Ngaï n'a pas quitté parce que Ngaï qui libanda yamboka. Président qui dit, n'a pas quitté, et Salama qui pour Ngaï qui libanda yamboka, si qu'on Ngaï n'a papa. La chose va décision. Papa y est, nous allons s'y lier. Nous sommes bêtes qui biso, papa n'a biso aye. Quelle audace! Et c'est un professeur d'université, un professeur de droit, qui passe à une chaîne défendre un président. Que ce qui s'est passé au pays, oui, le président était ignorant. Le président n'ignore rien. Rouberoua dit la question a été discutée au Conseil des ministres. Est-ce que les conseils des ministres, si ce n'est pas présidé par le président, on ne fait pas rapport au président? Et ça fait combien de jours pour que le président reçoive ses rapports de ses conseils des ministres? Ça fait combien de jours? Rouberoua est allé à Minembwe une semaine après ses conseils des ministres, 2 semaines après, d'après ses dires. Donc, rapport à conseil des ministres, Félix Azala quitté. Oyo, Rouberoua a dit, c'était discuté dans le conseil des ministres. Donc, le gouvernement n'a pas envoyé une copie dans la présidence, dans le président de la République, pour aller bah, qu'est-ce qui a été décidé dans le conseil des ministres? Rapport on a ezo kende wapi ba chaque on a poste ou bien ba pesa ki we wa zo ki kango we wa komina unte na présidence conseil des ministres le kaka na bâtiment nini présidence c'est ça et pas wapi we wa komina unte. Et vous voyez c'est un professeur d'université qui vient défendre ce type d'incompétence d'un président qui ignore tout, qui ignore les décisions y a conseil des ministres. Vraiment, attaque ou tu vas défendre Rabatou Yango. Attaque va défendre Rabatou Yango. Félix vous dit tout, mais Bisson est toujours comprendre. Moi, quand je suis sorti avec la première vidéo, dans le Barango toujours, bah Congolais, bah Yébakingaïté. Quand on a bimaki la première vidéo, quand j'ai dit que Félix était un idiot, combien m'ont insulté? Lelo Oyo, vous remarquez que Félix, vraiment, c'est un idiot? Bozo mon a yangouté? Il vous dit, yé, alalaka, natongo, alamukakaba après-midi. Asala kamusala Il vous dit, Makambo quel est ce président du monde? C'est grave. C'est grave. Yo, ba Congolais, toke na hypothèse, na approche que ba votaki yo. Ba votaki yo pour ça la Moussala. Moussala, ezali, na loba ango déjà ba vidéo eleki. Mais il faut répéter encore pour nous les Congolais. Moussala contrat n'a bisou à Misala et Zali et Banana 7h30 et si la rassure n'a 16h30. Yo ba voté yo tozo fouta yo. Ngaï na zo fouta yo. Pour na Moussala wana au banda na 7h30 au Silissa na 16h30. 16h30 ti 7h30 jour et Kolanda au Pema, au Lala, au te reposer. Mais yo, er ya kosala Moussala yo zo Lala. Yemoka lobi alalaka na tongo, tongo ebani na erni. Ala mukaka après-midi, esuki na lerni. Alors, Félix a salam sala lerni. Akei na Belgique. Est-ce que Félix a tiré qui pouvoir na intérimaire? Ce qui a le pouvoir d'intérimaire, oui, on peut accepter que le président Azalaki hors service, a qui intérim na mototel. Yango azo ignoré rapport, il y a conseil des ministres. Bah décision, il y a conseil des ministres. Mais lui est parti avec le pouvoir. Et Zalozali na kati avion. Parce que le président, et si Kanyo Sazali, Azali na mallette satellitaire. Président Azali na connexion satellitaire. Et Zalazali na avion. Biso batu pamba bangamba soyi na mati na avion. To sombaka ba mile. To sombaka. Je peux acheter pour 2 heures connexion Internet. Ce qui est interdit au Kobengate. Mais chat au koyiko salango na kati avion. Chat au koyiko salango. Et ça, c'est un avion à Kalate. Un avion à Sikoyo. Il y a de l'Internet à l'intérieur. Il y a un opérateur à la quelque part qui surveille Biloko na nyonso. Ozala na kati avion, ozala libanda avion, ozala na Belgique. Ozali toujours président, il faut la connecter à la seconde. Excusez-moi. Ozala connecter à la seconde. Non? Et salamaki parce que nazala kité. Nazala ki libanda ya mboka, yango salamaki. Yung. Vraiment. Na ebite, hein? Na tangi sa bana. Oyo penza, mouturoko la Félix, yo batinde linga yike mwana, o tangi sa ye. Na ko benga ba para na ye, boya ko zwa ki zengi na bino. Boya ko zwa ki zengi na bino. Ngayi, na ko yiko bela moutoute na tangi sa ki zengi ya boye. Ye azala ki te, azala ki li banda mboka. Siko ye ko zonga na mboka, o salari. Osalini, vous avez instruit à votre premier ministre Asenga demande d'explication à Rouberoua. Tout ce que Rouberoua a fait, c'est une coïncidence. Caravane yango ya la paix, obakene caravane ya paix, nan ya mona ki caravane ya paix, nan ya mona ki yango. Lui s'est limité seulement à Minembwe. Mais la liste qu'il a citée là, il y a ordre d'émission naïe, il y a beaucoup de villes et de cités, il fallait baléka. Mais Rouberoua s'est limité seulement à Minembwe. L'ambassadeur américain à Kekuna, par coïncidence. Installation à Bourgoumestre, par coïncidence. Présence à chef d'état-major, par coïncidence. Présence à Batoumoussou, par coïncidence. Le président Pe Ayemba qui a ngoté par coïncidence. Mais on prend des Congolais comme si tu allais ba idiot ou bien comment? C'est comme si tu allais ba idiot ou comment? Alors, Lelo Rouberoua, après avoir causé ma question à la Nyonso, réponse exacte, le temps, Asenga, temps, 48 heures. Si j'étais président de l'Assemblée, on a accordé 48 heures, 24 heures. Donc, lelo, il faut zonga. Et il semblerait organiser ma session à Parlement, ça coûte des millions. Nayoka que ça fait 2 millions pour organiser session à Parlement. Qui va payer? Qui va payer? La présidence qu'on a budget chaque mois, Félix utilise des millions de dollars. Dans le mois de septembre, allait 23 millions de dollars. Donc, pour Félix, il n'y a plus de budget. Budget est assusté. Et comme il y a un cas, il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un c Yazan a besoin de budgeter. Et Zali, la seule présidence au monde, où le budget est zaté, il ne fait que gober, gober. Moi, Kouna, il a utilisé sur les 53 millions. Sur les 52, sur les 47 millions, je ne sais pas. Mais au-delà des 40 millions, bousier. C'est moi ici, où est l'équipe, il y a septembre, 23 millions. Mais, bota la bande à Congo, n'enge basali ko souffrir. Bana bazo tanga na mabele, tableau ezate, en plein air, dans un pays oyo, le président vit comme si azalaki na mboka o ezali na mbongo ebele. Et pourtant, Congo a zo zangali, et loko nyonso Congo a zanangote. Congolais a zo luke loko nyonso a zanangote. Egui, il fait outa libanda. Aïe, il fait outa libanda. Litungulu, il fait outa libanda. Na kwanga, chinois a komiko sa la kwanga zo ya nangona Congo. Mais président Abande Konaye, sa femme n'a pas... La femme de Félix est chômeur, azana msalati. Bambongo azo pesa na ba fondation, azo zwa wapi. Salaire à Félix, c'est ça combien? Moi, j'ai suivi cette femme. N'interview na ye, je pense à la radio Kapi. Alors, pour nous, qu'il y a une élection, babandé ko douté parce que Mbongo sa la propagande des athées. Alors, aujourd'hui, cette femme peut nous dire, Bambongo oye azo kaboula, azo zwa wapi. Parce que c'est cette femme, son mari, a condamné Olive Lembe. Que cette femme n'a pas un travail. Bambongo oazo kabula kabula azo zwawapi. Aujourd'hui, Denise, Bambongo azo kabula azo zwawapi. Franchement, Nazoebi Sabino que ce qui moi na ya Etienne Tshisekedi oyo a sali 5 ans et 6 kawana. Tokotou nangou. Aujourd'hui Menembwe ezali na voix ya kokende. Merci na peu de Congolais oyo ba lamuka déjà avant. Nous avons bousculé. Lelo oyo na ba discussion na ba représentation diplomatique ya ONU ba bandi déjà ko sichoté création ya tribunal spécial pour le Congo. Mais il y a un problème. Création ya tribunal wana et qu'on dit salement, mais et qu'on a la effectivité, ce qui Félix Azali na mutu yamboka wana. Vous savez, Félix Azali est toujours là pour protéger les criminels. Mais koleleka kuna to tchaki makelele, Félix a demandé, a déposé une demande à l'Union européenne. Ba lever ba sanction contre bakabiliste. Tolo bakango ke Congolais musala na ye moto mukolo moko. Congolais lobi kaka wa wa wa wa wa. Lobi na tongo calme. On dirait solution ezwami na likambo abanda ko lobela lobi. C'est ça les Congolais. Et pourtant ba mboka mususu ki ba revendiquer loko. Tina résultat. Bakotika tina résultat. Bon mona ka batolo kola ba Corée du Sud, soki ba zo revendiquer ba kataka suki. Ba kei place ya revendication, ba kati suki. C'est-à-dire que, ti suki nanga eko bima, ti solution eko bima, nako longwa awa. Soki na longwete, nako vanda wana, ti suki nanga eko zonga ndenge ezalaki. Batu bakata ka suki la plipa, batu a suki milayi. Aye wana, a sacrifier suki na ye, ba kati ye. Na kolongwa awa solution ebima soit suki nanga ebima ezonga ndenge ezalaki, soit solution ebima. Nakozonga na eloko moko. Moko nango so ebimi, ngai na zongi ndako. C'est ça. Congolais lelo kaka lobia lobia lobia lembi. To loba ki makambu ya demande ya Félix na Union européenne ba leve ba sanction contre Batwa Kabila. Tolemba. Tolemba. Lelo oyo, Félix a koti si sous demande ou rappele Union européenne boni boni li kamna senga libino bo leve ba sanction na ba criminel na biso oyo. Félix a protégé ba Congolais. Combien de Congolais bazali kokufa libanda? Combien de Congolais bazali ba problème libanda? Na Brésil, on a assassiné ba Congolais. Na Inde, na Algérie, partout. Totika au monata lettre ya pamba, ta coup de téléphone ya pamba ya Félix. Lelo réponse est comment Kabila, sala ki yango bino bozala ki wapi. Kabila, même un professeur d'université qu'on appelle professeur de droit, Mbata, qui vient avec cette approche comparative, ce sont eux qui avaient fait ça pendant 18 ans. Mais vous, vous avez dit, vous viendrez changer. Vous êtes venus pour les changements, pour changer tout ça. Au lieu de venir changer, vous êtes venus en mariage. Na batu oyo vous condamnez pendant 18 ans, ils ont fait ça. Mais vous êtes en mariage avec qui? Moi, si je suis directeur académique, monsieur Mbata, je les renvoie. Je les renvoie. Et il ose à dire, l'IDPS va aligner plus de 10 candidats à la présidence. Comme qui? Vous êtes à la présidence, incapable. Même au niveau de conseiller, incapable de trouver un bon conseiller. Votre frère est là, votre président de l'UDPS, il est là à la présidence. C'est le président de la République, incapable de l'UDPS. Et où vous trouverez les candidats pour remplacer Félix? À moins qu'il y ait besoin que c'est dans la classe, je ne sais pas. Oui, dans 5 ans, Moutoukoko m'appelle licencié. Dans 5 ans, Moutoukoko m'appelle licencié, peut-être, oui. Mais s'il faut compter avec ce que vous avez déjà, mais l'IDPS, c'est vide. C'est vide. Alors, tribunal spécial pour le Congo, ça c'est chichote. J'ai parlé na diplomate moko asiatique, très lié avec les États-Unis d'Amérique, qui m'a dit oui, toujours déjà bashipsan, il y a déjà un lobbying d'un pays européen où ils allaient qu'on poussait pour que bah membre et conseil de sécurité bah se saisir na dossier wana, ça a beaucoup perduré pour que la création de ce tribunal spécial pour le Congo ait à la créer. Mais la difficulté, parce que je lui ai dit ça, cette difficulté, c'est moi qui lui ai dit ça, la difficulté, c'est nous voulons ce tribunal, oui. D'abord, au niveau de la création, c'est ce que nous voulons. Et maintenant, nous allons voir comment la politique a engagé pour que ce tribunal soit effectif. Parce qu'on ne peut pas le faire avec Félix. Et le diplomate a ce qui a lobby, mais qui sait, na soloni na ambassadeur ya mboka na biso na Congo. Na tunye, mais vous connaissez professeur Yombi, oyebi ya bien, mais bonjour, Mr. Yombi. Bon, na Corée, mingi abenganga, bonjour, Mr. Yombi. A lobby, kotanga kombo ya ba président mi balé na monde o ezo pesa batu koseka abina kati ya Congo Congo awa ba diplomate nyoso tozali parce que les diplomates asiatiques bazana club na bango pe ba diplomate asiatique ba bi ya deux présidents ceux qui ont cité kombo na ba réunion na biso na kolia na ba restaurant so cité ba kombo na bango e pesa koseka Trump et le président congolais. Les diplomates me disent, mais mon confrère, Oaza ambassadeur na Congo à Lobby, avant d'y na Congo, en réalité, les Congolais sont intelligents. Ce qui manque pour les Congolais, c'est l'opportunité. Bacha un vrai Congolais à la tête du pays. Ah oui, mais qu'est-ce qui fait que votre président, toi donc, quand c'est ça, mais c'est vrai, votre président n'a pas étudié. Le diplomate me dit, mais il parle français. Je dis, mais écoutez, parler français signifie quoi? Français, c'est une langue. Ah bien, oui, vous avez raison, vous avez raison. Ah, il a vécu où? Je dis, même à Kinshasa, il y a de ces citoyens congolais qui parlent français qui n'ont jamais été à l'école. Bazali. Bazali. Namona ba boye bele à salaka nanda kwa patron moko boye, nanda kwa la baloba français, boye pa komo baloba français. Félix parle français couramment parce que il livrait les pizzas en Belgique. Qu'on livrait pizza, qu'on livrait pizza na mindele na ba belge, na lingala, non, na français. Alors, le diplomate me demande, mais pourquoi il n'a pas étudié? Ah, je lui ai dit, bon, ça maintenant c'est un problème national. N'a ça a été pourquoi? Mais, il y a Bakara qui a tangaté. Le tribunal sera créé. Mais, pas avec Félix à la tête du pays. Parce que ce qui est Félix, Félix Azaka Namutu Yambokawana. Félix a aidé tribunal Wana te pour fonctionner effectivement. Et Félix, et Kabila doit. Et d'ailleurs, Félix aussi sera parmi les locataires y a prison Wana. Félix sera parmi les locataires y a prison Wana. Il va nous dire pourquoi il a trahi ce pays. Il va nous dire qu'il lui a dit que Munyamurenge était congolais. Namoni bandeko mususu tokomi bravo madame Eve Bazaiba. Balobi non tokoyi ko pesa bravo te parce que batola bango nyonso baza ndenge moko. Mais non, écoutez dit. Écoutez toyo kanaka bien. Parce que, au fait, tu peux risquer tout ça et loco oyo, oyo, tu peux payer ça. Il dépasse ma cause biso pendant 37 ans. Biso sont aussi pouvoir, tu peux changer. Biso sont aussi pouvoir, mouyibie gozalate. Biso sont aussi pouvoir, état de droit. Biso sont aussi pouvoir, le peuple d'abord. Biso sont aujourd'hui pouvoir nako sala boye nako lesa boye nako pesa boye nako kende boye nako tonga boye nako bimisa boye nako nako nako nako nako nako bakomi na pouvoir UDPS bato ali bosa ko yiba UDPS bato ali boso ya ko ya ko kanga bato munoko bano bate UDPS bato ali boso contre express, libre expression UDPS UDPS soki bolobi Kabila asalaki yango, bozalaki ye nini. Mobutu asalaki yango, bozalaki wapi. Me, toyokanaki ndenge wana te. Toyokanaki bango balobaki soki tokomi na pouvoir, toko change biloko wana nyonso mabe. Alors, biso batozali libanda sikoyo, soki tozokende pe na même rythme, OIDP sa memi peuple na biso pendant 37 ans, alors totika makambo yango. Laissons le pays disparaître. Tozali, la plupart de Tozali en diaspora. Toyokana bien. Cette histoire, ça revient. Nathan, on a l'oba qui, bravo, Fatih Béton, Namaloba. J'ai même précisé. Parce que nous, on comprend. To comprenez nakate. J'ai dit, na parole, merci, bravo, Fatih Béton. Na parole. Mais Congolais, toujours, incompréhension, ils auront toujours. Ah, omoni, prof Nabina Yombi omoni, asengi fa, alubi Fati Beton. Bizengi. Lelo oyo, tolo, nalobaka, to eleve un peu niveau ya compréhension de la politique. Soit tu vas na diaspora, tout me quand peu qu'aux pe moi exemple ba mboka pe oyo to vandi ba to ba sentir pe que non muntu wana en tout cas azali caché ya ba français azali caché penza ya ba canadien caché ya ba américain caché ya ba coréen ezali na ba problème oyo biso na biso to ko bunda ezali na ba problème nationaux oyo pouvoir, opposition, société civile, bisognoso et longo, to sangani, pona munguna moko. Comme ces problèmes de Banyamulenge. En réalité, c'est un problème national. Oyo to koyi komona opposition te, to koyi komona pouvoir te, to koyi komona société civile te, to koyi komona congolais. Lelo oyo la vraie opposition. Ça ne signifie pas que et pas y a Félix, na pouvoir y a Félix na Kabila, Banda et loko a liboso ti na souka. Et loko a malamo ezate. Wan eza hypocrisie, ce n'est pas bien. C'est dangereux. Aujourd'hui, moi, Félix peut faire une chose, y a malamo. Na koloba oui, et si ka na sali loko a malamo. Félicitations pour les locaux. Ce qui est dans le lobby, et si Kawana sale les locaux malam, félicitations. Ça ne dit pas en général félicitations à Félix, ça ne dit pas comme ça. Tout ça a quand même peine à compréhension, tu es pardon. Moi, je ne suis pas d'accord avec, Jean-Pierre Bemba. Naïm Sakabino, na Lobakango. Bato ba komisi mboka na biso parce que Congolais a bosanaka lelo obomi yo koti na ndaku na yo obomi papa obomi mama bana batikali matanga bato bazoya yo muto obomi bango oye na sachet ya chicre na café po bana na matanga Congolais a bosani ke yo muto obomi papa na ye mama na ye ayambi chicre muto malamba fukami c'est ça les Congolais. Batouana Nyonso, savez-vous, Jean-Pierre Bemba, l'élisa ba famille Boni na mboka na biso. Na rébellion na ye, na Ouganda, boyebi Jean-Pierre Bemba, l'élisa ba Congolais, ba famille Boni, combien de familles batikala borfelin, borfeline. Congolais a bossana Nyonso. Lelo, Jean-Pierre Bemba moutoko sauver mboko ja. Mais Jean-Pierre Bemba était là pour sauver le pays, n'a pas fait ça. Lelo, à qui est la prison, Saint-Esprit est côté lié, a changé Mboka, a comme sauveur y a Mboka Oyo. Vraiment, Congolais za moutou, a raison à combien, n'est-ce pas benga kabiso entre guillemets, excusez-moi, parce que ma benga kabiso ma makapu, je pense que Batoumsou Soubazaï a raison. MLC, na est y a Mboka na biso, ba famille, boni balela. Bisika Jean-Pierre Bemba Panza na Équateur na Est mboka na biso atonga boni azala mbongo kotonga te la famille Bemba est riche akoy koloba oui eza rebellion na ngamu te Panza ki na zonga na tonga ta pont asi azonga atonga bekol ba Panza asi azonga amema ta tolo moko lelo Congolais akoma Jean-Pierre Bemba igwe ye muta ko changer mboka mais il était là a changer ki mboka Katumbi était gouverneur. Na pesa ki exemple. Moutou a yibi yo 1 million, a yi a pesi yo $100, o komisyon bete le maboko, sover ye yo. Congolais. Moi, je dis, batouana nyonswana. Ce sont des gens qui ont mis notre pays na merde oyo. Ezali batou batye mbo kanabiso na merde oyo. Voyez-vous par exemple Mouzito. Mouzito, son oncle, Gizenga, c'est parmi des gens au bape sa makasi na Kabila Lelo. Moutou o aye na baboti ya mboula na mboka na biso. Moutou o a koyi ko diskite ata na Congolais mokote. Lelo Kabila koma Dieu. Kabila koma Dieu na aza savant. Mais bah, comme si Kabila Dieu Ndengwana. Et ça, bah, tu le crois, bah, Mouzito. Mouzito a travaillé avec son oncle Gizenga. Ils ont trahi ce pays. Mozito est devenu premier ministre. Il quitte premier ministre à traverser Nzela à quelle opposition congolais avec Maboko. Voilà ma sauveur. Mfumumpa, Mozito, sauveur Yamboko. Vraiment, Bozali malade? Ou bien, est-ce qu'il y a moyen de voir Boko na bopito, bon mon un peu batbata la mitou na biso? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on est les canamitois bah, congolais. Quelqu'un au hasard qui n'a Kabila à se repentir, à l'objet de vérité, à l'objet de comment va détruire Mboka Oyo. Balongoli est premier ministre, à Katisi Balabala, il y a comme une opposition. L'opposition va yambie, opposant, l'opposant farouche de Kabila. Mouzito, ne fumons pas. Obi Yungu, Anga Nzambe. Non, il y a des fois, je me demande. Est-ce que Ngamutu nazo raisonné bien dit? Ou bien il y a une molécule qu'on a injectée dans la nourriture des Congolais? Oui, comme ça, Congolais boyé. Kabila le kanabarabala, batbatoni. Raïs, Raïs, Shinarambo, Shinarambo. Yemoka komiko tuna 2023, ils ont musikate. Fayulu ale kana balabala batu batondi. Fayulu mukolo pouvoir, zwa pouvoir na yo, zwa ngwende na yo. Jean-Pierre Bemba leka batu batondi. Igwe, igwe, mukolo. Mais, au juste, tout ça peuple a l'égani. Quand j'ai dit félicitations à Madame Eve Bazaïba, c'est par rapport à sa question na parlement, ya lobby. Félicitations na ngai na Eve Bazaïba ezali en général na makambasa la kuna na lamuka na bangote. Lamuka ezali groupiski la escro. Lamuka ezali escroquerie comme cash, comme FCC. Ezali escroquerie pour aider une personne ou un groupe de personnes pour que bazala toujours maintenir na standing wana pouvoir na bango bazwa kambongo. Mais le peuple peut s'organiser seul. Nous sommes là pour nous soutenir comme nous avons sauvé biso na mboka oyo. Et ça, Eve Bazaïba. Quand le lobby que soit na tuni, mais limitez-vous à une félicitation simple. Congolais mbala moko, Eve Bazaïba comme nous avons sauvé mboka oyo. En tout cas, Congolais, naïbité. Est-ce que les alliés, ils ont une animation politique et commissaire Bisso Boye? Ou bien les alliés, nini ou juste? Hein? Batu oyo, ba Mobutu, ba Tshisekedi, ba Gizenga, ba tcha nini na biloko ba Congolais pour que bébé sa Bisso mitou? Bazaïba appartient à la Mouka. La Mouka ezali association ba malfaiteur pe. L'exception kaka je peux dire parce que na kata la Mouka wana ya ki Fayulu qui n'a pas travaillé pour publiquement. A sala na organisme moko public te. A sala na gouvernement te. En tout cas, on a yebi. Ce que je sais, Fayulu était au parlement et Fayulu est parmi les rares, je pense à moins na ignorer yango. Parmi les rares oa zongi sa mbongo ke, ba futi nga mbongo a pamba, na sali musalate, na zongi si mbongo a batu. C'est le seul, je pense. Les restes, Mozito, Bemba, Katumbi, ce sont des escrocs. Si aujourd'hui, bozo boya Félix, Félix n'a pas étudié, bozo boya ye, soyons logiques, na bisomoko quand même, hein. Nazomo na batu, oyo, lelo, na diaspora, na Congo, qui refuse Félix parce que Félix est incompétent. Il n'a pas étudié, il n'a pas fait niveau pour na kozwa charge ya pays. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous supportez Katumbi, Katumbi aussi n'a pas étudié comme Félix. Quel est le niveau d'étude de Katumbi? Mais c'est la même chose. Congolais aza contre loko aza sous pour loko ango contre loko pour loko ango Mais quel peuple Oyo? Quel peuple Oyo tozali biso? Volonté d'aider, et ça suffisante. Parce que le pays et ses dirigeants à Kaka, na niveau national. Le pays se discute, se dirige aussi au niveau international. Il faut quelqu'un au Azali, la capacité, na niveau, y a qu'à faire face avec. Ma... Parce que chaque pays dans le système mondial, chaque pays est prédateur. Bon, moi, je documentaire de Nyama. Nakata Zamba, Nyamanyo sa sa prédateur ya Nyama Moussousou. Nyamanyo sa sa prédateur ya Nyama Moussousou. C'est comme ça le système international. Chaque pays est prédateur. Bazolo ka ba faible va profiter pour ba zo intérêt pour na mboka na bango. Alors, il faut un président qui est à ce niveau pour que le président wana a faire face na ba prédateur au na système international. Sinon, Bokocha un président, oui, comme Félix, Akene na Rwanda, oui, Akene na Uganda, oui, Akene na États-Unis, oui, Akene na Europe, oui, partout au Kende, oui. Il n'a jamais dit non. Pourquoi? Volonté à Koloba, non, Ezali, mais capacité à défendre, non, Yango, Ezate. Alors, pour éviter ridicule, bah, mon ayete ki Yungu, Akondi Makaka. Alors, ma pays, on a besoin de profiter. L'Ouganda, aujourd'hui, est en train de construire Nzela pour le Congo. Ma pas dire Vincent. Vous pouvez comprendre. L'Ouganda. Ouganda, oui, Ouganda. Et Zotonga Nzela pour l'abisson de Congolais, Zotonga l'abisson Nzela. Ouganda, Zotonga l'abisson Nzela. Et, vous voyez, Félix, na Ouganda, il y a un peu de Nzela, Zotonga. En contrepartie, Ouganda, Zotonga. En contrepartie, Ouganda, Zotonga. Bah, millions au la présidence, 53 millions, 57 millions, 23 millions. Et quoi qu'on a dit là, t'es. Et quoi qu'on a dit, non, na Ouganda, t'es. Na Oyobozo Senga. Bisso, millions, na Bisso Ezali. Président, t'es serré. Parce qu'aujourd'hui, bah, t'es la présidente, et ça va conseiller. Aujourd'hui, avec un seul 1000 dollars, il peut vivre. Bato nyo se va vendre ou la présidence ou la diaspora. Il vivait na 1000 euros par mois. Il vivait na 700 euros ya social par mois. Il vivait na pas plus de 1000 euros par mois na social. Et aujourd'hui au Congo, avec en Europe d'abord, en Europe aux États-Unis, vous viviez avec moins de 1000 dollars ya social par mois. Na Europe, na Amérique, biloko ça cher. Au Congo, matemele, moins cher, biloko moins cher. Vous pouvez pas vivre dans moins de 1000 dollars. La présidente peut se dire aujourd'hui, bon, écoutez, il y a des millions d'autres conseillers. Tout ton anzé là, il y a Ouganda qui proposé Bissot. Et chaque conseiller a 1000 dollars. Le président, vous avez 2000. Pour yo, liaga mingi. Yo, liaga mingi. Tout tchè là, il y a 2000. Les restes, tout ça là, biloko yo. C'est facile. Conseiller ni na wokufa na nzala. Parce que ma pèse yé 1000 dollars na Congo à vivre. Na Europe, on va vivre na combien? Ozo foute la ndako. Ozo foute hydro. Ozo foute gaz. Ozo foute nyoso. Na mbonga social, peut-être 700 dollars ou 700 euros. On va vivre très bien na famille na yo. Moussous kouto zo tinda na Congo. Le loke na Congo, on vous paye 17 000 dollars. Ya boule, bozo salam salam mon côté. Mais, Bozali Bandoki. Voilà aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui construit Banzela Ponabiso. Quelle honte! Quelle honte! Na point Asuka. Lobby mercredi, ils allaient prévu prestation à serment yaba juge, je pense, au Félix Anomaki. Toye kolanda vidéo, moussou tomoni batu à FCC qui ont déposé plainte na cour constitutionnelle que nomination yaba juge wana ezali illégale. Nous avons vu Jeannine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, Bakende Okutalanda Félix, notre numéro 1, notre national. Pour Naroyebisaye que nomination Yaba Juge Wana est illégale. Basengi naye à revoir ordonnance naye. Comme Boyebi que notre matamata Azalaka Teti, Tetite se Zalaka bien, soko Zali Mayele. Mais attention, Tetite soza Mayele te Salakeba. Salakeba, parce que, ok, Nabuzo bati Namir. Et d'ailleurs, Namir, dans Félix, c'est à Komaki. Tomoni une lettre demandant et outil la présidence, la directeur du cabinet, il y a Félix demandant la Sénat, la Parlement, l'Assemblée nationale, bah ça, le nécessaire bah, organiser séance, il y a prestation à serment, il y a bah, juge. Et le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat, va répondre au président que tu as organisé Yangoto, peut Tokoyato. Dans le Bergali Kambo, il y a respect. Parce que le leadership est Zakaka, titre Nangote. Le leadership, ils appellent apparence. Il y a qu'à faire respecter l'autorité, Nayo. C'est une partie à leadership. Il semblerait que Félix, ça soit le marketing. Dans le marketing, le leadership, ça vient souvent. Ça vient, ça vient souvent, le leadership. Et votre morphologie, votre apparence, fait partie à leadership. Nani a tombé la moussapi na Congo qui a banga Félix. Oyo a yoka même na mzoto na ye moko avandi ye moko na ndako. A yoi komba Félix mwa mouté me bete a bangi mouké nani a tombé la moussapi. A tombé la moussapi nani. O a yoka na mouté manaye a yoi komba Félix mouté me bete. Ndenge bandai ko beta biso so yoi koma mubutu. Ovani na ndaku na yo moko na chambre. Oki ba lobi mubutu muteme beti. Otali gauche, otali droite. Mutu azate. Mutu abanga Félix azate. Na yebite post. Ndenge nzamba sala ye kaka. Hein? Donc, hein? Donc, ndenge nzamba sala ye kaka. Na ndaku na ye mutu abanga Félix azate. Moi, j'ai causé avec Moutou proche à Félix. Opi Azali, dessus de ma Kambouana. Aïe, bisanga na ndako à Félix, bana na ye babanga à moi si. Bana Félix, babanga à Félix, c'était. Bana Félix, babanga à maman à Bango. Maman à Bango, soit azate. Tout le monde, ba saute, ba saute, ba saute. Maman à soit côté bas. Moutou na position na ye. Ba banga ra Félix c'était. IDPS, nan ya banga ra Félix. IDPS ya banga ra Félix c'était. Na niveau national, nan na outou poser question, nan ya banga ra Félix. Na niveau sous-régional, président ni ya banga ra Félix. Na niveau régional et voire même au niveau international. Trump a vendu ça à Félix pendant combien de voyages à Saline, États-Unis? Ti ambassadeur ya États-Unis, Nzita, a kende ko tambusaka président Mobimba, zo ke l'accès simetri à papa la bango. Vraiment, est-ce que vous avez déjà Mobutu? Mobutu aux États-Unis? Et za la kaye na voyage privé. Un ambassadeur des États-Unis a s'hazardé a kende ko mema Mobutu na simetri à papa na ye. Oh non, yaka awa, président yaka, oh, place Bakunda, papa nangaye. Awa, place Bakunda, cousin nangaye. Awa, place Bakunda. Bon, président, oyin ba fleur, moko za ki to kote a mai kuna, ya New York kuna, to kendo kende kotala. Nzita tambusi Félix partout atala ba fleur mabé ake ne kotala ba cimetière mabé ake ne kotala magorodo na nanini mabé oyo président ya lolenge nini ya bolole boye oyo président bolole boye ndenge nini budiadia kaka budiadia ake ne kotaya ba rishi kuna ake kolia biloko ya bato na meka mungwa di ndino yebike bato biloko na mama chaka mungwa na meka nanu mungwa bakendaki na Genève botel bakima bafuta mbongo te tomona bakolo hotel ba reklame ba yibi ba dra bafuta mbongo te bale biloko fele lelo oyo bato ya botel ya Goma bazolela na monoko ya mbuka Félix na délégation na ye ba futi hôtel te ba le biloko fele. Et chaque conseiller a Félix na bande oke na ba na basi misato mine. Misato mine. Chaque conseiller, un conseiller qui réserve 4 chambres, 5 chambres. Na kata wa chambre wana, ce sont des femmes. Bazo ke negolia, yaka na papier na signé. Chana compte à présidence. Chana compte à présidence. Ba longwe goma bazon Kinshasa. Ba kolo botel na nyonso. D'abord, avec ce COVID, botel bazo souffrir. Bo ki ko ajoute bango li sou sou ba depense, bo fouti mbongo te bo kimi. Mais vous avez un salaire. Minimum de 17 000 dollars. Il faut que zala ndoki. Ok, na hotel na mboka loko la Congo kuna, ba hotel na bango, c'est moins de 200 dollars. C'est moins de 200 dollars. Papa, fouta. Hein? Fouta, quand même, moi, on est Rwanda, ke, ba toupe, mouboutou tango bande yiko leka, mouboutou soya leke sika. Ba commerçant, ba ta hotel, ba ko sepe la, parce que recette zo mata. Recette zo mata. Bato mbutu bazaki na fierté moko honneur moko a côté wana hôtel combien 200 dollars mutu mbutu akopesa 500 alors oyo bati abodia ya ndenge nini e bango nyonso ba uti na bamboka oyo ki se di bamboka ya droit de l'homme respectez quand même droit ya bato bokoti na hôtel ya bato futa mbongo ole biloka bato futa mbongo. C'est comme si vous avez un salaire de 17 000 dollars na Congo. Et yé le national à l'obaki yé ou kende koufe la koune na Goma. Siko, a ke na Goma, a lali soki jour moko soki deux jours. Mais na yo yika zongi na Kinshasa, mais a koufite ndengini. Il avait dit à ouya ko tcha koto yo, base na yé koto yo na Est, pour na paix. Ako kufa po na pe. Me a zongi ki sou si Kinshasa ndenge nini. Kome eske a kufite? Eske pe e zongi? Na yoki na beni kuna. Lobby. On a assassiné encore. Alors. Na ringa ito sou ki sa parla. E lo na koyi koyebi sa in interpellation na ba na bana na biso be étudiant na biso. Je pense que vous avez une matière belée pour travailler à ma thèse, par exemple. Ce dossier Minemwe, il faut tout comme est belé. Nous demandons à mes étudiants, je pense que l'élément n'yon sokoyi kozalanango pour que vous dirigez thèse na yo, soit sur le mapping, soit sur la nationalité. Ma thèse est belée, ma thème est belée. Vous pouvez exploiter ce qui est au coquille, au travailler sur Yango, surtout les étudiants en sciences politiques, les étudiants en droit, les étudiants en histoire, les étudiants. Donc, orienter ma thèse Nabino sur la vie nationale Yambo Kanabiso. Moi, j'ai vu un étudiant qui m'a proposé, à Tindenga, une proposition de thèse, na évité sur Nazanango Wapi, une proposition de thèse. Vraiment, na oloba kombo na ite. Je lui ai dit na oloba kombo na live na ngai. Mais na oloba kombo na ite. Cet étudiant congolais veut travailler sur l'histoire russe, l'histoire de la coopération russe et américaine. Étudiant congolais, à Outi Congo, à Kenamboka X, na bourse, pour Atanga. Thèse naye aligne ko travailler sur histoire de la coopération. Il y a bah russe, il y a bah américain, papa. Nathalie Pieboué, Aza Mouto Kabeyaga, mais qu'est-ce qui s'est passé? Natounie, est-ce que tu as vécu dans Kabeyaga? Oh, t'es prof. Mais quel diable? Diable, il n'a pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Aza n'a pas connaissance sur la politique russe? T'es. Aza n'a pas connaissance sur la politique américaine? T'es. Au vivant en Amérique, t'es. Au vivant en Russie, t'es. Problème, là, il y a les animes. Alors, na, bon, je lui ai guidé. Dès que mon élite proposition, na yo, on va la bloquer quelque part. D'ailleurs, au niveau, il y a ma référence review. On a un problème. Parce que thèse, il y a maîtrise. On consultait qu'à trois documents, vraiment. Et pourtant, je l'ai dit, ce qu'il n'y a pas dans l'ail, plus ou moins 25 référence na review na yo pour na proposal pour na proposition ya thèse na yo 25 références il faut tanga mais il vient avec toi bon tolo banini to tcheba notification na biso à revoir na opese en lobby à revoir m'a proposé, voilà, voilà. Et c'est belé. Hein? Yo Congolais, yo Kendeko, politique ya Barus na ba Américain. Problème, nini ya yo, nini. Même si c'est global, c'est académique, mais attention, il faut qu'orienter thèse na yo, na makambo oyo, na domaine oyo, vous allez capable. Quand tu es dans le domaine, on était par surprise. Parce que surprise, on est bloqué quelque part. Tu ne vas pas évoluer. Travail, on a aussi ça. On a bloqué. Oui, ils ont les thèses, ils ont maîtrise. Ils ont les. Dans le Congo, TFC. Ben, on a TFC. Travail de fin d'études. Il y a graduat ou bien licence. Non, non, attention. Oui, ils ont maîtrise. D'abord, tu dois lire beaucoup avant où il y a un concept, il y a proposal à Boué. Il faut lire beaucoup. Minimum 25. 25 livres, il faut tanga. Alors, je lui ai dit, aux attentes ébellées, jusqu'au mois de mars, date limite, il y a Koko, ça va proposer à l'Oyo, qu'il n'y ait pas de tanga. Alors, donc, au Tindiraï, ma référence est belé, à tanga, comme ça, à Zong, oh, vraiment, là, au dirigeant, moi, je ne peux pas diriger un travail comme ça. Ce que vous voyez, ah oui, ça va. Je me limite dans ma conseil. Hein. Ce que vous allez bloquer, vous allez bloquer. Et nous, on n'aide pas les étudiants. Pendant que ça, il y a eu travail, il y a eu. Non, on a aidé. On a orienté, et si on a aucun des côtés, ma bé, méthode, on a exalé, ma bé. D'abord, côté méthodologique, c'est suspect. C'est suspect. Et il vient de l'université de Kinshasa. Ah! Faina tout naïe, est-ce que Mbata te moutape sa ki au cours? Ce qui Mbata moutape sa ki au cours, en tout cas, pas si à Pamba. Voilà. Mes chers amis, merci beaucoup. Pour la Colanda Bissot, pour le journal Hello. Merci pour la confiance. Merci pour la Okabola vidéo. Tous à toujours vigilants. Minembwe ezali terre na biso. Moto nyonso o aroyana Minembwe, il faut aller ka na voie légale. Et le Congo n'a pas de terre à distribuer. Le Congo n'a pas de terre à distribuer. Mais le Congo a des terres pour recevoir les gens, mais pas distribuer. Vous venez, la terre appartient à l'État congolais. La terre appartient aux Congolais. Même Bisso Batozali, ba chef coutumier, Mabele Wana, et Sika Tozali, Ezali Mabele na Bisote, Ezali Mabele, ya l'État congolais, ça appartient à tous les Congolais. Donc, na koyo kolobate ke bon, lelo na kati, territoire nyon sa Masimanimba, et komi, commune rurale, ya famille Yombi. Non! Ça ne peut jamais se faire. Alors, ce qui biso batozali ba kolomboka, on ne s'azarde pas. To kata mabele koma ya biso. Et vous, ba immigré, vous êtes venus. Bosenga mabele koma ya bino. Quelle audacité! Quelle audacité! Ah oui, là, en tout cas, bobo mabiso nyonso. Parce que ceux qui soutiennent les Mouniamourengue, j'ai vu quelques étudiants Mouniamourengue aux États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, les Congolais, ils sont aux États-Unis. Ils sont à droite, ils sont dans le gouvernement américain, ils sont dans le belé, ils sont dans le comme les Congolais. Et pourquoi au Congo, les Mouniamourengue doivent le faire? Les Congolais, ils sont même dans l'époque Foulaman, na Belgique. Tilelo. Ba pesa mabele moko te na Congolais moko. Et pourquoi ba Congolais, il faut ba pesa mouna moulenge mabele? Pourquoi? Si vous dites vous êtes des Congolais, éparpillez-vous, allez au Katanga, allez dans le Bandundu, allez au Kasai, et surtout na Kasai, kuna boko zala bien. Surtout na Kasai, boko zala bien, parce que kuna na Kasai, ndenge moko. Ah, boyepe ndenge moko. Kuna boko zala bien, na ba beau frère. Alors, pourquoi Bapé Sabino m'a belé? Y'a bino. Et na yo moutozo soutenir. Franchement, le vrai ki yungo. Ezali yo moutozo soutenir. Mounia mourenge, azali Congolais, Bapé Sabino m'a belé. Mounia mourenge, azali Congolais, Bapé Sabino m'a belé. Ce qu'azali Congolais, ake na ba Congo à vivre, ake na Kasai à vivre, ake na Équateur, ake na Bandundu à vivre. Chez moi, tozana m'a belé, belé prairie, ezali mingi. Toko Pé Sabino place, bosala bilanga. Tu repisses à bino place, botia bangombe na bino. Mais, ko senga mabele. E bozo ponape mabele yango, biso to lingye sika oy, bo mi kateli mindelo na bino. Malade que vous êtes. Toko koufa pona yango. Toko koufa pona yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers amis. À Berli, merci. Hein. Vous faites la comptabilité là. Merci beaucoup. Allez, au revoir, et puis Tozongi, parce qu'on a examen dans quelques minutes, hein, je pense. Dans l'exercice RT. Hein. Voilà. Merci, Bokaboli, je pense. Tokutani prochainement. Oui, Bendele à Congo, et Mata toujours. Zali Mboka Nabiso. Tokotika na maloba kakate. Tokokufa pona yango. Tokokufa pona yango. Allez, au revoir.